بسم الله الرحمن الرحيم سندخل اليوم في المسألة العاشرة دي مسألة qui elle est toujours liée au verset qu'on a pris dans le dars précédent le verset 29 sourate al-Baqara لكن مسألة أخرى تتعلق ب آخر الآية par rapport au même verset mais à la fin du verset قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. Ensuite, il consacra sa volonté vers le ciel, puis il en fit sept cieux. Verset 29. Là, c'est une mas'ala lughawiyya, qui est liée à langue arabe également. قال أفردهن تعالى لفظ السماء ورد عليه الضمير بصيغة الجم في قوله فسواهن. Que Allah, au début du verset, il a dit sama, le ciel, avec le sens, avec le terme singulier. Et à la fin, il a utilisé le dhamir, dhamir qui revient à sama au pluriel, en disant sawahunna, ay hunna. Et hunna, c'est le dhamir muannas jam, qui veut dire, c'est un féminin en arabe, mais en français, les cieux, c'est masculin. Pour dire, il en fit sept cieux, en fait. Alors qu'au début, il a dit le ciel. Ensuite, il consacra sa volonté vers le ciel. Et les divisa en sept cieux. Ça serait plus apparent de dire comme ça. Puis, les divisa en sept cieux. قال والجم بين الضمير والجم مفسره المفرد وجهان. Donc là, maintenant, il y a d'une façon également deux angles par lesquels l'auteur va répondre pour lier entre eux cette façon de faire. Cette usloub. الأول أن المراد بالسماء جنسها الصادق بالسبع سماوات وعليه فال جنسية. Donc il a dit en premier lieu le terme sama, là en arabe, qui est ciel. On va dire là par là la nature du ciel qui elle-même est de, à la base cette nature elle est de sept cieux. Donc là le el qui est employé, es sama, c'est el jinsiya, c'est-à-dire el de nature, la nature de la chose, le genre de la chose. Et le genre du ciel c'est qu'il est de sept cieux. En français ça apparaît pas trop, mais en arabe c'est wadih. الثاني لأنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي في وقوع إطلاق المفرد وإرادة الجمع مع تعريف المفرد وتنكيره وإضافته وهو كثير في القرآن العظيم وفي كلام العرب. Donc il n'y a aucun khilaf, ça c'est la deuxième réponse, le deuxième angle, qu'il n'y a aucun khilaf entre les gens de la langue arabe qu'il est permis d'employer un terme de singulier en voulant par là un pluriel et que cela soit défini ou alors indéfini ou alors qu'il soit mudof, c'est-à-dire apparenté, attribué à autre chose. Et cela est fréquent dans le Coran. Ça arrive beaucoup dans le Coran et également dans la langue arabe. Et là, c'était certains versets qui démontrent cela. On ne va pas tous les mettre, mais on va sortir les plus clairs, les plus flagrants. قال فمن أمثلة في القرآن واللفظ معرف. Maintenant, il va donner des exemples où le terme singulier il est défini, c'est-à-dire par elle. Et on veut par là le sens du pluriel. قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله. Et vous croyez au livre entièrement. Surat Al-Imran, verset 119. C'est-à-dire بالكتب كلها. بالدليل قوله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه. Donc il a dit, en fait, ça veut dire quoi? Là, le livre, c'est-à-dire les livres. En fait, là, c'est la nature du livre, c'est-à-dire la nature de la révélation. Car Allah Azza wa Jal a descendu plusieurs livres. Donc le fait, quand il dit, le fait, vous croyez au livre, c'est-à-dire vous croyez au livre, au pluriel, A-U-X, au livre précédent également, tous les livres. Et la preuve, c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit, tous croient en Allah, en ses anges et en ses livres. Surat al-Baqara, verset 285. Donc le premier verset, Al-Kitab, ça veut dire Al-Kutub. كذلك قوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. Dit et je crois en ce que Allah fait descendre comme livre. D'accord? Comme livre. Donc là, le terme comme livre revient au précédent, c'est-à-dire les livres. ثم مثال آخر وقوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. Qu'il dit à propos des gens de Pharaon. Que leur rassemblement, c'est-à-dire les gens de Pharaon, ont menacé de se rassembler pour pouvoir combattre Moussa alayhi salam. Il a dit à Azza wa Jal dans le sens le rassemblement sera mis en déroute et ils fuiront. C'est-à-dire, ils s'en retourneront sur leur arrière. Ils s'en retourneront sur leur arrière. Ad-Dubur. Dubur, ça veut dire à l'arrière. Et là, c'est un lof qui est mufrad, qui est singulier. Surat Qamar, la lune, verset 45. Donc là, leur arrière, ça veut dire en fait leurs arrières, en pluriel. Kamawa Zahir, comme cela est apparent. Il a dit Ad-Dubur, en fait c'est El-Adbar. El-Adbar, ça veut dire leurs arrières. Et ça, c'est apparent. Wa qulu ta'ala, ulaika yujzawna al-ghulfa. Et ceux-là seront rétribués d'une chambre. Surat al-Furqan, le discernement, verset 75. C'est-à-dire al-ghuraf, c'est-à-dire en fait des chambres. Plusieurs chambres. Et c'est quoi la preuve? C'est, par Allah, dans Allah Azza wa Jal, لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ. Ils iront des chambres et par-dessus des chambres construites. Surat Zumar, l'ornement, verset 20. Donc dans le premier verset, c'était Al-Rulfa et dans l'autre, c'est Ghuraf. وَكَذَلِكَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Et ils seront dans les chambres en sécurité. C'est-à-dire les chambres, ça peut être les pièces, ça peut être... traduction peut être plus vaste que cela. Donc là, il a bien dit « Fil ghurafati aminun ». Il a employé le pluriel. « Kazalik min hada al-bab, qulu ta'ala, wa ja'a rabbuka wal malaku, safan safa. » Que ton Seigneur viendra ainsi que l'ange, rang par rang. « Ey al-malaika ». En fait, l'ange là, c'est « al-malak », qui veut dire quoi en fait par là? C'est « al-malaika », les anges. Déjà, le fait qu'il dit « sans fin, sans fin », c'est-à-dire en rang, des rangs se font avec plusieurs individus, pas un seul. Donc là, forcément, ça ne peut pas être un ange qui vient avec différents rangs. Et d'autre part, quand Allah Ta'ala « هَلْ يَنْذُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ذُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَ » Est-ce qu'ils attendent seulement que ne leur vienne Allah dans l'ombre des nuées avec les anges? Avec les anges. Donc les deux versets reviennent au même, à la même chose, que Allah Azza wa Jal va venir Yom al-Qiyamah avec les anges. Dans le premier verset, c'est singulier. Et deuxième verset, c'est pluriel. Car des fois, des gens pourraient dire, vous faites un ta'wil, et vous reprochez aux gens du ta'wil de faire le ta'wil. C'est-à-dire, on interprète le texte, on les sort de leur apparent pour arriver à un autre ma'ana. On dit là, car ce ta'wil-là, là maintenant, actuellement, il est permis, car on a un dalil. Contrairement à ceux qui font le ta'wil pour, par cela, annuler le sifat d'Allah Azza wa Jal et ses noms, ou changer les textes. Ils font le ta'wil sans avoir de preuves. Alors que là, c'est un ta'wil qui est basé sur des hadiths, d'autres versets du Coran ou des fois des hadiths. كذلك من هذا الباب قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا. Allah dans le sens où il dit également l'enfant, après il dit الذين, l'emploi de jam, qui n'ont pas encore connu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore distingué la beauté de la femme. Donc là, c'est quoi? Yani al-atfal al-ladina lam yadhharu. C'est-à-dire les enfants en bas âge. Il a dit tifl, le mana al-atfal. Naam. Mais ici, il y a d'autres versets. Donc là, c'est l'exemple avec al-lawz al-mu'arraf. Thumma qal, wa min amsilatihi wal-lawz munakkar. Avec maintenant le terme indéfini. Qawluhu ta'ala. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ. Certes, les pieux sont dans des jardins et un fleuve. يَعْنِي أَنْهَارٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ. Donc en fait là, ça veut dire des fleuves. Dans le verset, il a dit un fleuve, indéfini, et en fait ce sont des fleuves. Et la preuve, c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit qu'il s'y trouve, c'est-à-dire dans le Jannat, des fleuves d'eau qui ne sera jamais malodorante. Donc c'est le même endroit, c'est le Jannah. كذلك قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما. Afwan, les versets précédents, c'est sourate Mohammed, verset 15. Et avant, j'avais oublié de dire sourate Tifl, dans sourate An-Nur, verset 31, par rapport aux enfants ou à la roula de la femme. Et جَعَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا, sourate Al-Fajr, verset 22. Et la réponse se trouve dans sourate Al-Baqarah, verset 210. J'oublie des fois de citer les versets. Faqal waj'alna lil muttaqina imama. Et fais de nous pour les pieux un guide. Regardez bien, fais de nous pour les pieux, un guide. Verset 74, El Furqan. Yani a'imma. A'imma, en fait, fait de nous des guides. D'accord ? Le sens de là, de un guide, c'est des guides. Kafikolillah Azza wa Jal kazalik, thumma yukhrijukum tifla. Puis, il vous sortira, yani, en bébé, c'est-à-dire du ventre de vos mères. Surat al-Hajj, verset 5. Yani atfalan, c'est-à-dire en pluriel, en enfant en bas âge, en bébé, c'est-à-dire avec un S en français. Pourquoi ? Car il dit, thumma yukhrijukum, ay antum, vous. On ne peut tous être un seul bébé. Donc forcément, ce sera plusieurs. Thumma qal, wa min amsilat al-lawz, wa al-lawz mudaf. Maintenant, exemple où le lawz, il est mudaf, c'est-à-dire l'appartenance à autre chose. Le mudaf, c'est le fait de faire appartenir la chose à autre chose. Qaluhu ta'ala, inna ha'ulai dhaifi. Ceux-là sont, regardez bien, ceux-là sont mon invité. Verset, surat al-Hijr, verset 68. Donc là, il a dit, inna ha'ula dhaifi. En fait, c'est adhiafi, mes invités. Pour preuve, au début, il a dit, inna ha'ula ismishara li al-jam. Et après, vient dhaifi. Donc c'est adhiafi, mes invités. Wa qulu ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Que prennent garde ceux qui s'opposent à son ordre. Surat al-Nur, verset 63. Et en fait, ay awamiri, c'est-à-dire ses ordres. Car le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas le fait seulement de... C'est en fait, quand on dit son ordre, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, est venu avec plusieurs ordres, plein d'ordres. Donc c'est tous, en fait, qui sont concernés. Mais ils ont été tous été mis, ils ont été mis sous une forme singulière dans ce verset, son ordre, c'est-à-dire tous ses ordres. Puis par la suite, il cita des vers de poésie, qu'on ne citera pas là ici, car souvent les sens de beaucoup d'entre eux m'échappent, mais il n'a pas, le mu'alliq n'a pas mis le ma'ana en dessous, cette fois-ci. Donc, hadi al-mas'ala, que des fois, Allah Azzawajal vient avec un mot en singulier, et son sens voulu à la base, c'est le pluriel, avec des hadillah tirés du Coran eux-mêmes, et du sens apparent. Tamam, fa'ilahuna, wa alhamdulillahi rabbil alamin.